和去游玩。 Il est à fond. Bah, des fois j'en ai pas. L'Espagne est à fond. Des fois j'ai pas de bretelles, c'est la cité déchirée. Si j'ai pas de bretelles, je vais pas de cité. Par contre, j'ai un peu. Ah, c'est du rock, hein, les gars. C'est pas de. Pour la caisse. Et. Non, ça c'est moi. Est-ce que vous comptez ça de chanter jusqu'à 3? Soir, un concert de Georgette Plana. Chant brut. Donc en fait, quand tu arrives au concert de Georgette, elle arrive, elle met le feu, toi. Alors elle te dit : est-ce que vous avez compté jusqu'à 3 ? Répétez après moi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ça fait un peu comme François, chante par la police. 1, 2, 3, 4. Vous avez compris ou pas ? Il faut que je vous le répète encore une fois. Ça fait comme ça. Au concert de Georgette Plana, il faut faire ça. 1, 2, 3. Ah ouais. Si tu comptes pas comme ça, tu te fais virer de la salle. Qu'est-ce que tu racontes, toi? C'est pas ça, c'est ça. Qu'est-ce qu'il dit? Dans un magasin de musique. Si tu veux, je suis là. Ouais, ouais, mais ça tient plus là, ça, c'est à moitié fondu. En fait, si tu veux, j'étais sur la route parce qu'ici, nous, on n'est pas trop habitués. Je suis allé à 25 bornes, un peu à la Cambronce là, pour faire. On serait dans un magasin de garage, musique. Je crois faire les révisions de mes bagnoles. Et je suis parti. La neige est sur les lacs. Déjà, les mecs, c'était tous sur le toit, sous perfusion, quoi. Les gens, c'est un truc de sur la route. Ça existe plus à Paris, mais. J'étais sur la route toute. Oula, 130. Fais oui, gaffe, Jean-Pierre, ça accélère. Ouais, ça n'a pas eu trop de succès, en fait. Jean-Pierre, 130. Tu verras pas Jean-Pierre en slip. dans son élan en France, je suis une sorte de paracino. Il y a ma femme qui voulait te voir. J'ai une mère, c'est Jean Botoko. J'ai une façon de se frapper. Pas tempo là. Je suis pas tempo l'espagnol. Ah, ça y est. Brigitte, mais il est pas en slip. Ouais, mais ça craint, je peux pas mettre ma caméra. Ah, ça figé, lui. Il a dû tirer sur la webcam. C'est figé. Ah, il s'est enlevé. Non, c'est parce qu'en fait, c'est soit le... Juste quand t'es parti, c'est... Soit le micro pour chanter, ou la caméra pour faire voir sa bite. T'as pas le choix. Hey. Non mais c'est soit le micro. Non, c'est soit c'est le micro pour parler ou la caméra pour faire voir sa bite. Tu peux pas faire les deux. Dis donc Brigitte, écoute. Ah oui. Dis donc Brigitte, t'as reconnu hein, avec tes moustaches et tes chaussures en 48 hein. C'est plutôt, t'es sûr que c'est pas plutôt micro. Bernard? Ou alors soit la caméra pour montrer sa bite. Bah, y'a ton sens. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Vous voulez que je vous mette une musique? Oh, on a combien là? 130. Bon. Ça, ça marche pas. Non. Ah, bon, c'est pas de la merde. Ah. Ça y est, c'est sous le jeu. J'aime le tabac qui fiche. Non. Ça marche pas. Boucle 230. Il est revenu Jean-Pierre. Il est revenu Jean-Pierre. Ah bah pourquoi? Ah ouais. Il est revenu Jean-Pierre. Je vais lui donner la main. Je vais prendre la main. Bonjour. Je vais fermer. Tant pis, je vais flâner vers Notre-Dame. Et tant pis, je reste. Oui. Oui, je t'entends. Mais j'entends pas ta batterie. J'entends pas ta batterie. Tu joues ou quoi? Drum. Tu claques le drum? Bon, je vais cacher avec la chine de personne un peu. Elle a plus en plus. Et j'entends une batterie loin. Je vais flâner. Allez, parti. Porte fermée. Tant pis, je vais flâner vers Notre-Dame. Brûler. Tant pis, je reste sur les macadam. Pavé, c'est presque rien, mais j'en ai fait tout un nom. Porte fermée, c'est cool. Ah, ça y est, la batterie. Ça y est, la batterie revient. Où la batterie? Where's the drum? Ok. Ouais, c'est cool. One, two, one. Ouais, c'est bien. Parc fermé, tant pis, je vais flâner vers Notre-Dame. Brûler, tant pis, je reste sur le macadam. Pavé, c'est presque rien, mais je vais faire tout un drame. Yeah! Parc fermé, tant pis, je vais tenter de boire un verre. Glacé, au milieu de milliers de solitaires. Je sais, je n'aime la mer que lorsque je suis sur terre. Yeah, yeah! Come on! Yeah, yeah. Parc fermé, je vais me contenter d'imaginer l'effet que ça ferait de t'embrasser. Tu sais que rien ne pourra jamais t'y remplacer, ni ta bouche. Yeah, yeah. Cholena, Norway, yes, very nice. Come on, my friend. Come on, come on. Holy no way. Come on. Come on! retrouver ce vieux banc d'acier, de regarder passer la vie des gens, passer et par le grand soleil chauffé à blanc dans cette douche. Very nice, my friend. L'Espagne avec Javinette, la Norvège avec Sholane et Neverland avec Krieg. Krieg. Allez les gars. Come on, let's go. D'imaginer L'effet que ça ferait de t'embrasser. Tu sais que rien ne pourra jamais te remplacer, ni ta bouche. Yeah. Partie fermée, je ne sais plus où aller, je suis désemparé. On devrait se retrouver là devant les rosiers. Je t'attendais mais je n'ai plus le courage. Yeah, yeah. Allez, next. New song. Bravo. Bravo, bravo, bravo, bravo. Great. Very nice. Very nice. Ok, c'est facile. C'est facile. Justesse des crocodiles, stop au trafic, des Caraïbes, escale dans l'opération Nalaweed, allez. Sultan de Jarawak, en pleine terreur, un Manikwanaga, isolé dans la jungle birmane, emprisonnant les flibustiers, l'ennemi y est démasqué. On a volé les colliers de Siva, le Maharaja en répondra. De guitare. Thank you. s'appelle Indochine. Je vais la relancer. 1, 2, 3, 4. Les guitaristes. I want to listen to you, my friend. Lady and the man, Mr. Craig Neverland. Neverland. Thank you. notre guitare.